je visse revenir au cœur de mon âme, libérer les souvenirs en changeant la flamme. Que tu me prennes dans les bras, que tu me dises je crois en toi. J'y ai toujours cru, n'en doute pas. Je vais enfin t'aider, recrois en moi, tu y arriveras. Tu y arriveras, et jamais plus je te laisserai. J'essaie de l'entendre, de comprendre, mais rien ne vient. Rien ne vient. J'ai lutté comme j'ai pu, et j'ai regardé les dégâts. J'étais impuissant et perdu. Ma jeune vie ne s'y attendait pas. Je suis parti sur les chemins, loin de tout, loin de ma chair. Travailler jusqu'au lendemain pour mériter le sale salaire. T'y arriveras, et jamais, jamais je te laisserai. J'essaie de l'entendre, mais rien ne vient. J'essaie de l'entendre, de comprendre, mais rien ne vient. Non, rien ne vient. Rien ne vient. J'essaie de l'entendre, de comprendre, mais rien ne vient. Rien ne vient. Non, rien ne vient. J'essaie de l'entendre, de comprendre, mais rien ne vient. Rien ne vient. Rien ne vient. Le nécessaire, juste que ce soit uniquement que pour toi et que pour nous.